elle m'a trouvé bien niais. Un bonnet, je vais en profiter. Viens nourrir les ténèbres de la reine des cols. La reine des cols aime s'entendre parler, s'admirer, qu'on l'admire toujours comme elle n'a qu'un sujet d'elle parler. J'aurais pu haïr la reine des cornes, mais j'ai aimé ce qui vaut la peine d'être aimé. Très loin de son royaume, une vraie reine aime son être aimé. Elle détient sa propre vérité, des mensonges en vérité, ses vraies pensées en effet sont trop laides pour s'évader. Bien consciente de sa cruauté, elle sait fort bien manipuler. Quand elle se met à pleurer, on lui achèterait le monde entier. J'aurais pu haïr la reine des cornes, mais j'ai aimé ce qui vaut la peine d'être aimé. Très loin de son royaume, une vraie reine aime son être aimé. J'ai nourri longtemps ses ténèbres, perdu dans ses bras funèbres. Depuis la reine des cornes, je confonds les haines et les aimes.